Alessandro Barrico. Extrait choisi par Catel Guillou. Réalisation Cédric Ossir. Suite à la lâche défection de Paris qui a fui son duel avec Ménélas, les Troyens ont rompu le pacte qu'ils avaient passé avec les Achéens et les combats ont repris de plus belle. En l'absence d'Achille, c'est Diomède qui s'est distingué par ses exploits guerriers. Sa rage inextinguible a repoussé les Troyens jusque derrière leurs remparts. Quatrième épisode, la nourrice, Nestor. Hector arriva. Il entra par les portes C, s'arrêta sous le chêne. Toutes les épouses et les filles des guerriers troyens accoururent vers lui. Elles voulaient avoir des nouvelles de leurs fils et frères et mari. Mais il dit seulement « Priez les dieux parce qu'un grand malheur vient sur nous ». Puis il courut vers le palais immense, aux portiques splendides. Quelle richesse ! D'un côté, 50 chambres de pierre claire bâties l'une près de l'autre, y dormaient les fils de Priam avec leurs épouses. Et de l'autre, 12 chambres de pierre claire bâties l'une près de l'autre, y dormaient les filles de Priam avec leurs maris. Hector entra et Hécube, sa mère très douce, vint à sa rencontre. Elle le prit par la main et lui dit « Mon fils, pourquoi es-tu ici? Pourquoi as-tu quitté la bataille ?» Les Achéens odieux vous pressent, là-bas, contre les murailles. Es-tu venu pour tendre les mains vers Zeus, du haut de la citadelle? Laisse-moi te donner du vin, pour que tu en boives et que tu l'offres aux dieux. Le vin donne de la force à l'homme, et tu es épuisé, toi qui combats pour nous défendre tous. Mais Hector refusa. Il répondit qu'il ne voulait pas de vin, qu'il ne voulait pas perdre sa force et oublier la bataille. Il lui dit qu'il ne pouvait pas l'offrir aux dieux non plus, parce que ses mains étaient sales de poussière et de sang. « Toi, va au temple d'Athéna, lui dit-il. Rassemble les femmes les plus âgées et monte au temple. Prends le péplos le plus beau, le plus grand que tu aies au palais, celui que tu aimes le plus, et va le déposer sur les genoux d'Athéna, la déesse prédatrice. Demande-lui d'avoir pitié des épouses troyennes et de leurs jeunes enfants, et supplie-la d'éloigner de nous Diomède, le fils de Tidée, parce qu'il combat avec trop de férocité. » Et répand partout la terreur. Alors, sa mère rassembla les servantes et les envoya chercher dans la ville toutes les nobles anciennes. Puis, elle entra dans la chambre nuptiale parfumée où l'on gardait les péplos brodés par les femmes de Sidon. Les péplos que le divin Paris avait rapportés de son voyage quand il était revenu avec Hélène traversant la vaste mer. Et de tous les péplos, Hécube choisit le plus beau. Il est plus grand, tout brodé. Il brillait comme une étoile. C'était le dernier, celui qui, sous tous les autres, était enfoui. Elle le prit et se mit en route avec les autres femmes vers le temple d'Athéna. Et elles me dirent qu'Hector, quand il quitta sa mère, alla chercher Paris pour le ramener dans la bataille. Dans la pièce, il y avait aussi Hélène. Elle était au milieu des servantes. Toutes, elles travaillaient, avec un art merveilleux. Hector entra. Il avait encore sa lance au poing, la pointe de bronze étincelait, et dès qu'il vit Paris, il se mit à hurler. « Misérable, que fais-tu ici à jouir de ta rancœur pendant que les guerriers se battent autour des hautes murailles de Troie? Toi, en plus, qui es la cause de cette guerre? Debout, viens te battre, ou tu verras bientôt ta ville brûler dans le feu ennemi. » Paris, tu n'as pas tort de me faire des reproches, Hector, dit-il, mais essaie de me comprendre. Je n'étais pas ici pour couver ma rancune envers les Troyens, mais me livrer à ma douleur. Hélène, elle aussi, avec douceur, me dit que je dois retourner dans la bataille, et c'est peut-être le mieux que je puisse faire. Attends-moi, le temps de revêtir mes armes, ou bien pars devant et je te rejoindrai. Hector ne lui répondit même pas. Dans le silence, toutes les servantes entendirent, très douce, la voix d'Hélène. « Hector, disait-elle, comme je voudrais que le jour où ma mère me mit au monde, une tempête de vent m'ait emporté au loin, au sommet d'une montagne. ou dans les vagues de la mer, avant que toutes ces choses n'arrivent. Comme je voudrais qu'au moins le sort m'eût réservé un homme capable de sentir le blâme et le mépris des autres. Mais Paris n'a pas l'âme forte. Il ne l'aura jamais. Viens ici, Hector. Assieds-toi près de moi. Ton cœur est oppressé par les soucis et c'est ma faute. La mienne et celle de Paris. Celle de notre folie. Repose-toi près de moi. Tu sais, la tristesse est notre destin. Mais c'est pour cela que nos vies seront chantées à jamais par tous les hommes qui viendront. Hector ne bougea pas. Ne me demande pas de rester ici, Hélène, dit-il. Même si tu le fais pour moi, ne me le demande pas. Laisse-moi aller chez moi, plutôt, car je veux voir mon épouse et mon fils, ma famille. Les Troyens qui combattent là-bas m'attendent, mais je veux aller près d'eux, quand même, je veux les voir. Parce que vraiment, je ne sais pas si je reviendrai ici une autre fois, vivant, si les Achéens ne me tueront pas avant. Ainsi, dit-il, et il s'éloigna. Il vint chez nous, mais ne nous trouva pas. Il demanda aux esclaves où nous étions, et elles lui dirent qu'Andromaque avait couru sur la tour d'Ilion. Elle avait entendu que les Troyens étaient en train de céder devant la force des Achéens, et elle avait couru sur la tour. Et la nourrice y avait couru avec elle, serrant dans ses bras le petit Astyanax. Hector ne dit pas un mot. Il fit demi-tour, et courut rapidement vers les portes scellées, traversant à nouveau la ville. Il allait franchir les remparts et revenir dans la bataille quand Andromaque le vit et vint à sa rencontre pour l'arrêter. Et moi, derrière elle, l'enfant dans les bras, le petit, le tendre, le bien-aimé fils d'Hector, beau comme une étoile. Il nous aperçut, Hector. Il s'arrêta et il sourit. Et Andromaque vint près de lui et lui prit la main. Elle pleurait et disait « Malheureux, ta force sera ta ruine. N'as-tu donc pas pitié de ton fils, qui est encore un enfant, ni de moi, si infortuné? Veux-tu donc retourner là-bas, où les Achéens se jetteront sur toi tous ensemble et te tueront ?» Elle pleurait. Puis elle dit « Hector, si je te perds, mourir sera mieux que rester vivante. Car il n'y aura pas de réconfort pour moi, seulement de la douleur. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai plus personne. Mon père, c'est Achille qui l'a tué quand il détruisit Thèbes aux hautes portes. J'avais 7 frères et tous Achille les a tués le même jour pendant qu'il faisait paître nos bœufs et nos blanches brebis. Et ma mère, Achille l'emmena avec lui et nous payâmes alors pour qu'elle nous soit rendue. Et elle revint, mais pour mourir de douleur, subitement dans notre maison. Hector, tu es pour moi un père et une mère et un frère, et tu es mon époux, si jeune. Aie pitié de moi. Reste ici, sur la tour. Ne va pas combattre sur le champ de bataille. Fais reculer l'armée jusqu'au figuier sauvage pour défendre le seul point faible des remparts où déjà 3 fois les Achéens ont tenté l'assaut, mus par leur propre courage. Mais Hector répondit « Je sais tout cela, moi aussi. Mais la honte que j'aurais à rester loin de la bataille serait trop grande. J'ai grandi en apprenant à être fort toujours et à combattre dans toutes les batailles au premier rang, pour la gloire de mon père et pour la mienne. Comment mon cœur pourrait-il aujourd'hui me permettre de fuir? Je le sais bien que le jour viendra où périra la cité sacrée de Troie, mais avec elle Priam et le peuple de Priam. Et si j'imagine ce jour-là, ce n'est pas la douleur des Troyens que j'imagine, ni celle de mon père, de ma mère ou de mes frères tombés dans la poussière sous les coups des ennemis. Moi, quand j'imagine ce jour-là, c'est toi que je vois. Je vois un guerrier achéen qui te prend et t'entraîne avec lui en larmes. Je te vois esclave en Argos qui tisse les vêtements d'une autre femme. Et pour elle, tu vas chercher de l'eau à la fontaine. Je te vois pleurer. Et j'entends la voix de ceux qui te regardent et disent La voilà, l'épouse d'Hector, le plus fort de tous les guerriers troyens. Que je meure avant de te savoir esclave. Que je sois sous terre avant de devoir entendre tes cris. Ainsi parla le glorieux Hector. Puis il vint vers moi. Je tenais son fils dans mes bras. Il s'approcha et voulut le prendre entre ses mains. Mais l'enfant se serra contre mon sein et fondit en larmes. Il avait pris peur en voyant son père. Il était effrayé par les armes de bronze et la crinière sur le casque. Il la voyait ondoyée, effrayante, alors il éclata en pleurs. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, Hector et Andromaque se regardèrent et se sourirent. Puis il enleva son casque et posa sur le sol. Alors l'enfant se laissa prendre et il le serra dans ses bras et il l'embrassa. Et en le soulevant à bout de bras, il dit « Il est même plus fort que son père. Faites que je revienne un jour en rapportant les dépouilles sanglantes de mes ennemis et faites que sa mère soit là ce jour-là à se réjouir dans son cœur. » Et en disant ces mots, il mit son fils dans les bras d'Andromaque. Et je me souviens qu'elle souriait et qu'elle pleurait, serrant son enfant contre sa poitrine. Et en la regardant, Hector eut pitié d'elle. Il la caressa et lui dit « Ne t'afflige pas trop dans ton cœur. Nul ne pourra me tuer si le destin ne le veut pas. Et si le destin le veut, alors dis-toi que le destin, aucun homme, une fois qu'il est né, ne peut lui échapper. Qu'il soit lâche ou courageux, personne. À présent, retourne chez nous et remets-toi au travail, au fuseau et à la toile avec les servantes. La guerre laisse les hommes y penser, tous les hommes d'Ilion, et moi, plus que tous les autres hommes d'Ilion. » Puis il se pencha et reprit son casque sur le sol, son casque à la crinière ondoyante. Nous rentrâmes au palais. En marchant, elle pleurait, Andromaque, et sans cesse elle se retournait. Quand les servantes la virent arriver, elle leur causa à toutes une grande tristesse. Toutes éclatèrent en pleurs. Elle pleurait Hector, elle le pleurait dans sa maison, et elle le pleurait alors qu'il était encore vivant. Car aucune en son cœur ne pensait qu'il reviendrait vivant de la bataille. Nous vîmes Hector sortir par les portes C en courant. Nous pensâmes qu'il était revenu combattre, mais en vérité il fit une chose étrange. Il courait devant les premiers rangs des siens, tenant sa lance baissée, pour leur ordonner de s'arrêter. Alors, Agamemnon, à son tour, nous donna l'ordre, à nous, les Achéens, de baisser les armes. Les deux armées se trouvaient face à face, tout à coup silencieuses, presque immobiles. On aurait dit la mer, quand souffle le premier vent et qu'elle se ride à peine. Au milieu de cette mer, Hector parla d'une voix forte. « Écoutez-moi, Troyens, et vous, Achéens, je vous dirai ce que j'ai dans le cœur. Les dieux nous illusionnent avec leurs promesses, mais c'est pour nous condamner ensuite à des souffrances et à des malheurs. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que Troie soit victorieuse ou soit prise. Alors je vous le dis, s'il y a un prince achéen qui a le courage de se battre en duel avec moi, je le défie. Je veux aller aujourd'hui à la rencontre de mon destin. » Les armées restèrent silencieuses. Nous, les princes achéens, nous nous regardâmes. On voyait que nous avions peur d'accepter le défi, mais nous avions honte de le refuser. Finalement, on entendit la voix de Ménélas, pleine de fureur. « Alors, achéens, qu'êtes-vous donc des femmelettes? Vous ne pensez donc pas à la honte si aucun de nous n'accepte le défi? Malheur à vous, hommes sans audace et sans gloire. C'est moi qui combattrai pour vous, et les dieux décideront qui aura la victoire. » Et il prit ses armes et s'avança. Nous savions qu'il n'avait aucune chance, que Hector était trop fort pour lui. Aussi nous l'arrêtâmes. Agamemnon, son frère, le prit par la main et lui parla à voix basse, avec douceur. « Ménélas, ne fais pas cette folie, ne te bats pas en duel avec un homme qui est plus fort que toi. Même Achille a peur d'affronter Hector. Et toi, tu veux le faire? Arrête, laisse-nous envoyer quelqu'un d'autre. » Ménélas savait en son cœur qu'Agamemnon avait raison. Il l'écouta et il lui obéit. Il laissa ses écuyers ôter les armes de ses épaules. Alors je regardai tous les autres et je dis « Hélas, quelle douleur frappe le peuple achéen! Que de larmes verseraient nos pères s'ils savaient que nous tremblons tous devant Hector! Ah, si seulement j'étais encore jeune et fort, je n'aurais pas peur, moi, je vous le jure. Et Hector devrait se battre avec moi. Vous avez peur, je n'aurais pas peur, moi. » Alors ils furent 9 à s'avancer. Agamemnon le premier, puis Diomède, les 2 Ajax, Idoménée, Mérion, Eurypyle, Thoas et le dernier, Ulysse. Tous voulaient combattre à présent. « C'est le sort qui décidera, » dis-je. Et dans le casque d'Agamemnon, je fis mettre 9 sorts, chacun portant le symbole de l'un d'eux. Je secouai le casque et j'en tirai 1. Je regardai le symbole. Puis j'allai vers Ajax de Télamon, le seul d'entre nous qui avait quelque chance contre Hector, et je le lui donnai. Il le regarda. Il comprit. Et en le jetant par terre, il dit « Mes amis, le sort est mien, la fortune est mienne, et mon cœur rit parce que j'écraserai le glorieux Hector. Donnez-moi mes armes et priez pour moi. » Il se revêtit de bronze éblouissant, et quand il fut prêt, il alla vers Hector, à grands pas, terrible, brandissant sa lance en l'air au-dessus de sa tête, avec un ricanement féroce sur le visage. À le voir, les Troyens tremblèrent, tous, et je sais que Hector aussi sentit son cœur s'affoler dans sa poitrine. Mais il ne pouvait plus fuir maintenant. Il avait lancé le défi, et il ne pouvait plus se dérober. « Hector !» se mit à crier Ajax. « Il est temps que tu découvres quel héros il y a parmi les Achéens. Même après Achille l'exterminateur, il est dans sa tente en ce moment, le cœur de lion. Mais tu le vois, nous sommes capables, nous aussi, de combattre avec toi. » « Cesse de parler !» lui répondit Hector, « et bats-toi !» Il leva sa lance et la projeta. La pointe de bronze se planta dans l'énorme bouclier d'Ajax, fendit la plaque de bronze, puis l'une après l'autre les 7 couches de cuir, et dans la dernière, elle s'arrêta. Alors ce fut Ajax qui tira. La lance fendit le bouclier d'Hector. Hector se pencha sur le côté, et ce fut ce qui le sauva. La pointe de bronze l'effleura seulement. Elle réussit à déchirer sa tunique, mais ne le blessa pas. Tous deux arrachèrent alors les lances de leurs boucliers et se ruèrent l'un sur l'autre, comme des lions féroces. Ajax se protégeait derrière son bouclier énorme. Hector frappait, mais n'arrivait pas à l'atteindre. Quand il se fatigua, Ajax sortit à découvert et le toucha de la pointe de sa lance, de biais, au cou. Nous vîmes jaillir le sang noir de la blessure. Un autre se serait arrêté, mais pas Hector. Il se baissa pour prendre une pierre sur le sol, énorme, rugueuse, noire, puis la lança sur Ajax. On entendit le bouclier résonner, mais une nouvelle fois se releva, aussitôt. Et ils prirent alors leurs épées et se ruèrent, l'un sur l'autre, en criant. Et le soleil déclina. Alors, deux héros, l'un achéen, l'autre troyen, s'avancèrent pour les séparer, car même dans la bataille, il est bon d'obéir à la nuit. Ajax ne voulait pas s'arrêter. « C'est Hector qui doit décider. C'est lui qui a lancé le défi. » Et Hector décida. « Interrompons la bataille pour aujourd'hui, » dit-il. « Tu es fort, Ajax. » Et ta lance est la plus forte de toutes celles des Achéens. Tu rendras heureux tes amis et tes compagnons en revenant vivant dans ta tente ce soir. Et moi je rendrai heureux les hommes et les femmes de Troie qui me verront revenir vivant dans la grande cité de Priam. Et à présent, échangeons des dons précieux, afin que chacun puisse dire « Ils se sont battus en un duel cruel, mais ils se sont séparés en harmonie et en paix. » Ainsi parla-t-il. et comme présent, il offrit à Ajax une épée à clous d'argent avec un fourreau et un baudrier parfait. Et Ajax lui offrit, à lui, une ceinture éclatante de pourpre. Ce soir-là, au banquet en l'honneur d'Ajax, j'attendis que tous aient bu et mangé. Puis, quand je les vis fatigués, je demandai au prince de m'écouter. J'étais le plus vieux, et il respectait ma sagesse. Je leur dis alors que nous devions demander aux Troyens un jour de trêve, pour qu'eux et nous puissions ramasser nos morts sur le champ de bataille. Et je leur dis que nous devions profiter de ce jour pour construire autour de nos navires un mur bien haut et un grand fossé, afin de nous mettre à l'abri d'un assaut des Troyens. Ce soir-là, nous allâmes dormir sans prendre aucune décision. Et à notre réveil, nous reçûmes une ambassade des Troyens. Ce fut Idaios qui vint, et il nous dit que puisque c'étaient les Troyens qui avaient repris les affrontements après le duel entre Paris et Ménélas, en rompant les pactes sacrés, ils étaient prêts maintenant à nous rendre justice en nous restituant toutes les richesses que Paris avait emportées avec Hélène d'Argos. La femme, non, mais les richesses, oui. Et il dit qu'ils y ajouteraient des présents splendides pour nous dédommager de leur trahison. Ils avaient peur que les dieux ne leur pardonnent pas leur déloyauté, vous comprenez. Diomède se leva et dit « Quand bien même il nous rendrait Hélène en chair et en os, nous ne devons pas nous arrêter, mes amis. Même un sot comprendrait que la fin de Troie désormais est proche. » Et tous nous applaudîmes. Nous sentions à ce moment-là que c'était lui qui avait raison. Ainsi Agamemnon répondit à Idaios que nous refusions l'offre. Puis il convint d'une trêve, d'une journée, pour que les Troyens et nous puissions récupérer nos morts et les livrer aux flammes, comme le veut le rite. Et il en fut ainsi. Drôle de jour de guerre. Dans la grande plaine, sous le soleil qui illuminait les champs, s'en allaient Achéens et Troyens, se mêlant les uns aux autres pour chercher leurs morts. Ils se penchaient sur les corps massacrés, lavaient le sang avec de l'eau pour pouvoir reconnaître les visages, puis en pleurant, ils les chargeaient sur des chariots. En silence, le cœur meurtri, ils les entassaient sur les bûchers et restaient là, à regarder les hautes flammes brûler, ceux qui, la veille encore, combattaient à leur côté. Quand le soleil commença à décliner, je rassemblai autour du bûcher funèbre un groupe d'Achéens, et je leur fis construire le mur, avec des tours hautes et sûres, et de larges portes pour laisser entrer et sortir nos guerriers. Je le fis construire tout autour des navires, et je fis creuser un profond fossé devant le mur pour tenir à distance les chars troyens. Et c'est seulement quand tout fut terminé que nous nous retirâmes dans nos tentes pour y recevoir le don du sommeil. À l'aube du lendemain, nous prîmes un repas en hâte, puis nous revêtîmes nos armes. Les Troyens sortirent de la ville et vinrent vers nous dans un tumulte immense. Au milieu de la plaine, les deux armées se rencontrèrent, dans la fureur des boucliers, des lances, des cuirasses de bronze, dans les plaintes et les hurlements, la souffrance des tués et le triomphe de ceux qui tuaient, tandis que la terre se souillait de sang. De l'aube jusqu'au plein jour, les coups volèrent de part et d'autre. Mais quand le soleil fut haut dans le milieu du ciel, alors le sort de la bataille sourit aux Troyens. Je vis autour de moi que tous commençaient à reculer, puis à fuir. Je voulus tourner mon char, moi aussi, comme les autres, mais une flèche lancée par Paris atteignit l'un de mes chevaux en plein front. Sous la douleur, il se cabra, puis s'écroula à terre en entraînant les deux autres. Avec mon épée, je tranchai les rênes, et j'allais appeler pour avoir d'autres chevaux, quand je vis Hector m'arriver dessus, sur son char, lancé au milieu de la mêlée. J'étais mort. Je vis Ulysse, non loin de moi. Il était en train de fuir, lui aussi. Alors je me mis à crier « Ulysse, où t'enfuis-tu? Veux-tu donc te faire tuer d'un coup de lance dans le dos? Lâche, viens m'aider !» Mais le patient, le glorieux Ulysse, ne voulut pas m'entendre et il continua à courir en direction des navires. Ce fut Diomède qui vint me sauver. Il arriva à toute vitesse sur son char et me fit monter avec lui. Je pris les brides et lançai les chevaux sur Hector. Et quand nous fûmes suffisamment prêts, Diomède jeta sa lance sur lui de toute la force qu'il avait. Quand je vis le coup frappé à vide, je compris que le sort était contre nous et qu'il valait mieux fuir. « Fuir, moi ?» me dit Diomède. « Et savoir qu'Hector ira se vanter partout et dire que Diomède s'est enfui devant lui ?»« Diomède, il pourra toujours le dire, on ne le croira pas. Les gens croient les vainqueurs, pas les perdants. » Et je fis tourner les chevaux pour fuir au milieu du tumulte, avec la voix d'Hector qui diminuait derrière nous, hurlant des insultes. Nous fîmes retraite jusqu'au fossé, et là, nous nous arrêtâmes. Hector nous poursuivait avec toute son armée. Le terrain était plein de guerriers et de chars et de chevaux. Agamemnon hurlait pour encourager les Achéens, et tous les héros combattaient côte à côte. Nous nous battions, mais nous n'arrivions plus à les contenir. Ils nous repoussèrent dans le fossé, puis contre le mur. Hector n'arrêtait pas de hurler. « Ils croient nous arrêter avec un mur, mais nos chars voleront par-dessus ce mur, et ils ne s'arrêteront pas avant d'être à leur navire et au feu qui les dévorera. » Rien ne pouvait nous sauver. Et le soleil nous sauva. Il tomba dans l'océan en apportant la nuit sur la terre féconde. Ils le virent décliner avec rage les yeux des Troyens, avec joie les nôtres. Même la guerre obéit à la nuit. Nous nous retirâmes derrière le mur, dans les tentes, devant les navires. Mais Hector, pour la première fois en 9 longues années de guerre, ne ramena pas l'armée à l'intérieur des remparts de la ville. Il ordonna aux siens de camper là, sous le mur. De la ville, il fit porter des bœufs et de grasses brebis, et du vin doux, du pain et du bois pour de grands feux. Le vent nous apportait l'odeur des sacrifices. Pendant toute la nuit, flambèrent par milliers, sous nos yeux, les feux des Troyens, pleins d'orgueil. Ils brillaient comme brillent les étoiles et la lune, dans les nuits de ciel immense, quand elles éclairent les cimes des montagnes et les vallées, réchauffant de joie le cœur du berger. Dans la lueur des flammes, nous voyons les ombres des Troyens peupler la nuit, en attendant l'aurore au trône superbe. Homère, Iliade, d'Alessandro Baricco. Extrait choisi par Catel Guillou. Homère, Iliade, traduit par Françoise Brun et paru aux éditions Albin Michel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Avec Julie Sicard, Hervé Briot et Nora Krief. Musique originale, Lucas Lelièvre. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Claire Chéneau. Réalisation, Cédric Aussire.